vous êtes à l'écoute de... Bonsoir. Les tranches d'anars ne sont pas au studio ce soir, mais ils ont choisi de rediffuser cette émission qui a été faite le vendredi 8 mars. Le vendredi 8 mars, il y a eu des grèves des femmes pendant la journée internationale pour les droits des femmes partout dans le monde, mais aussi à Bruxelles. À Bruxelles, le collectif de 8 mars, un collectif indépendant des partis et syndicats, ont fait l'appel à la grève et ont organisé un rassemblement sur l'espace public, le carrefour de l'Europe, à partir de 9h du matin à 17h. Et à 17h, la marche mondiale des femmes a eu lieu. Mais il y avait aussi d'autres actions diverses dans la ville et des piquets de grève dès le matin à Bruxelles. Deux femmes de Radio Air Libre et cinq femmes de Radio Panique ont collaboré ensemble pour faire une couverture radio de cette journée. Voici le résultat de deux émissions qui ont été faites avec le studio volant dans le café Dolemol qui se trouvait juste à côté la place Carrefour. Un appel de grève à toutes les femmes. Notre grève sera globale sur les lieux de travail, à la maison et dans la rue. Esto sería una crisis total en Bélgica. Nous sommes à l'antenne, bonjour. C'est Radio Panique, c'est le 105.4, c'est aussi le www.radiopanique.org, mais c'est aussi Radio Air Libre. Hein, c'est tout ça. 87.5, voilà. La radio la plus à gauche de la bande FM. Ouais, dans tous les sens du terme, tout à fait. Et donc nous sommes ici toutes posées au Dolemol, rue des Éperonniers. À 1000 Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et c'est le 8 mars, et nous sommes là parce que tout à côté, ici, sur la cour de l'Europe, le carrefour de l'Europe, des stands, une scène. Mais pourquoi en fait? Ah, pourquoi? Ouais. Pourquoi elles sont là, toutes là? Ouais. Les meufs, ouais, toutes. C'est ça. Je pense que c'est parce qu'il y a eu une convocation un peu folle d'organiser la première grève féministe des femmes le 8 mars ici en Belgique à la suite d'un appel international qui a été lancé par des groupes en Espagne mais aussi aux États-Unis, enfin tout un mouvement féministe international qui s'est mis en place et qui veut montrer que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Et alors là, on ne s'arrête pas parce qu'on fait de la radio, mais en même temps, on sait pourquoi. Voilà. Et on est dans ce cadre féministe, on l'a appelé comme ça. Et autour de la table, ben, on est plusieurs. Alors, il y a Julia. Alors Julia, ben, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai parlé avec beaucoup de femmes de pourquoi elles font des grèves aujourd'hui. Et j'ai écouté des belles chansons, tout en chorale. C'était incroyable. Et moi, j'ai été faire... Toi, c'est Zoé. Moi, c'est Zoé, tout à fait. Et j'ai tout d'abord fait un piquet de grève sur mon lieu de travail. Et mais on t'a eu au téléphone ce matin. Voilà, ce matin. Donc c'était dans un grand lieu du côté de Schaerbeek. Et donc on laissait passer les gens à condition qu'ils répondent correctement à l'une de nos questions. Et qui concernait les inégalités hommes-femmes. Et puis après, j'ai filé à l'ULB où il y avait un piquet organisé en haut de l'avenue Égée à l'ULB des chercheuses et des étudiantes. Et donc, elles m'ont raconté un peu ce qu'elles avaient fait, quelles étaient leurs revendications. Et on va pouvoir écouter ça à un moment. Puis on a aussi Louison... à côté de nous, hein, qui est là aussi, et puis Suzy également, voilà, qui est bien bien présente, et sans elle, là, on ne pourrait pas passer dans les micros, voilà, et Lydia. Et puis Gwen aussi, alors Gwen arrive en fait, Gwen de Radio Air Libre, avec qui nous préparons aussi cette émission, et qui est en train de faire une interview, Gwen au taquet, toujours et encore. Et toi, Lydia, qu'as-tu fait ce matin? Ce matin, donc, j'étais sur le carrefour de l'Europe et j'ai été voir en fait un petit atelier où l'idée était d'écrire, en fait, tout simplement. Et là, j'ai rencontré une sacrée femme qui m'a lu son texte et qu'on écoutera tout à l'heure. Et l'idée donc, de cet atelier, ben, c'était que chaque personne qui passe puisse écrire un petit bout de phrase et que ce soit lu par après. Voilà. Puis j'ai été aussi à l'atelier des femmes racisées et c'était bien intéressant et on écoutera aussi un petit compte-rendu par après. Super. Bah ouais, non, c'était bien chouette. Et alors, par rapport à cette journée, Julia, toi, tu as expliqué tout à l'heure que tu avais pris des témoignages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais oui, j'ai juste, j'ai demandé quelques femmes pourquoi elles sont ici dans la carrefour en Europe. Pourquoi on fait la grève aujourd'hui, pourquoi célébrer la journée internationale des femmes. Et oui, c'était pour beaucoup, beaucoup de raisons différentes, mais c'est cool que nous sommes tous ensemble pour les raisons différentes, mais aussi pour la même lutte, en fait. Là, on peut déjà écouter ça? Oui. Oui. Si. Alors, on est ici au Carrefour de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, donc c'est la première grève des femmes en Belgique. Et moi, je fais grève pour multiples raisons et je la ferai encore et les autres 364 jours de l'année. Parce que c'est clair qu'un jour ne suffit pas, mais il faut commencer. Et pour plusieurs raisons, pour le travail qui est toujours moins rémunéré, pour prendre soin de moi, pour se rebeller à une société hyper capitaliste et hyper patriarcale. Et parce que dans ma vie, dans mon quotidien, ben, je vois une série de violences, des injustices qui sont absolument bafouées et que les femmes subissent parce qu'elles sont des femmes. Après, on a beau dire qu'il existe les droits et les lois, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas vrai et c'est pas des choses qui sont réellement appliquées et applicables. Donc il faut un autre système. Et donc je pense que si la révolution sera féministe, elle ne sera pas. Alors. Alors, je fais la grève aujourd'hui parce que j'ai 70 ans et que j'ai travaillé pendant 35 ans de ma vie pour une pension qui était à la base assez bien. Et aujourd'hui, je constate que depuis 3-4 ans, je n'arrive plus à nouer les deux bouts, que la vie est de plus en plus chère. Je suis autonome, je vis seule et je l'assume. Hein, je suis tout à fait dédiée à ma personne. Mais j'imagine que je constate qu'il y a évidemment une catastrophe économique dirigée par les hommes expressément, qui attaque particulièrement les femmes qui sont fragilisées dans ce système patriarcal mondial. Alors je voudrais aussi dire qu'il faut démanteler ce patriarcat qui nuit à tout le monde parce qu'il y a des guerres. Et qui décide dans ce patriarcat? Ce sont les hommes. Et les hommes ne pensent qu'à eux, ne vont pas plus loin que le bout de leur phallus. Ils ne regardent pas plus loin, tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Alors il serait temps, messieurs, de changer de regard, il serait temps de voir loin, dans le futur et dans le présent, au lieu de reculer comme vous le faites et mettre en danger la planète entière et l'humanité. Benoît Groul disait: le féminisme, c'est l'humanisme. Nous nous battons pour l'égalité, la sororité, la solidarité, la justice pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, quelle que soit leur région du monde. Le patriarcat est un système qui n'arrête pas de tuer tous les jours, de faire des guerres, de déclencher des crises économiques expressément, qui sont en train de précariser la planète entière de plus en plus, alors qu'il y a de plus en plus de riches, et qui sont à la tête des riches, des hommes, encore une fois. Il y a une injustice incalculable et il est plus que temps que le monde change radicalement. C'est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance. Le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisées seront les ondes. L'heure du combat arrive, sonne le gong. La petite est validée par tous les oncles. J'suis pas là pour me faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas pressé, Durkin, ça va sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. J'suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. Chienne. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Fous le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de cums. Tu n'apprécies pas, tu commentes tes chums. Derrière ton écran, des pousselets, t'es seul. Ouais, je vais niquer tous vos tabous. Aussi épuisé qu'une source andalouse. Vénus est revenue à l'ordre du jour. Ta rage en a tout, tu lances du lourd. Je suis celle que tu n'attendais pas. Celle qui ne t'inspire pas. Je suis celle que t'insulte, je te fais la bise, man. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais. Même si je rappais, dansais, chantais, parlais anglais. Pour certains, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînées à des chaînes. Chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. Sale chienne. C'est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Et voilà, nous sommes de retour sur Radio Panique dans cette émission féministe. Et on a eu un tout petit comme ça souci technique, ce sont les aléas du direct. Et toujours avec moi autour de la table, Gwen, Suzy, Louison, Zoé, Julia, bim, hop. Et donc Zoé, tu veux expliquer un peu ce que tu avais fait ce matin, et notamment tu parlais de l'ULB. Exactement. Et du coup, tout à l'heure, j'étais à l'ULB où il y avait un piquet des étudiantes et des chercheuses de l'ULB. Et donc, j'ai demandé à deux d'entre elles de nous expliquer ce qu'elles faisaient là et quelles étaient leurs revendications. Et donc, elles étaient super excitées parce qu'elles venaient de réussir un truc. Et elles vont nous dire quoi ? Ouais, donc aujourd'hui on a un piquet de grève à l'ULB, on est en haut de Paul Léger et on est avec les chercheuses. Donc moi je suis étudiante et avec plusieurs étudiantes et plusieurs chercheuses, on est en train de distribuer des tracts pour parler un peu de la grève d'aujourd'hui, pour dire aux meufs de ne pas aller en cours, de ne pas aller en stage, de ne pas faire ce qu'elles feraient d'habitude. Et là on sort d'un cours en fait qu'on vient de faire annuler, on a demandé au professeur de lever le cours et peut-être que lui peut en parler un peu plus. Donc voilà, on fait partie du coup du pôle ULB du collectif 8 mars. Et donc effectivement, le but aujourd'hui, c'est de permettre aux femmes soit de lutter pour leurs droits, soit de se reposer, mais en tout cas que ce soit vraiment une journée où elles aient l'occasion de faire ce qu'elles ont envie. Et donc si elles veulent lutter avec nous, elles sont les bienvenues au piquet de grève. Et on va effectivement dans les auditoires pour faire des levées d'auditoires et permettre aux femmes du coup de pas aller en cours, de pas faire tout ce qu'elles doivent faire d'habitude. Et donc là, on a effectivement réussi à lever un auditoire. On est assez contents. Donc le prof a été coopératif et il a permis à tout le monde de se lever. Donc génial. C'est un bon début de journée. On espère que ça va continuer comme ça. Et donc voilà, il y a de la musique. Et donc si celles qui veulent nous rejoindre, venez. Bah, en tant qu'étudiante, on a une grosse liste de revendications qui sont assez générales pour toutes les femmes, comme l'accès légal, facile et gratuit à l'avortement, l'accès aussi pour les étudiantes à la crèche universitaire. Et une revendication qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la fin du travail précarisé des femmes via la rémunération des stages, parce qu'on remarque que les stages sont souvent obligatoires dans les filières majoritairement féminines et que du coup, ça fait qu'on travaille gratuitement même dès les études. Et puis ça nous habitue à faire du travail de care, donc après les études. Et c'est des filières aussi qui sont dévalorisées, même quand c'est salarié. Donc les soins infirmiers, sages-femmes et tout ça. Et du coup, nous, on aimerait bien demander la rémunération des stages. Et sinon, ouais, tout ce qui est harcèlement et tout ça, on veut que ce soit mieux pris en charge par l'université. Et la prise en charge aussi en compte des besoins des femmes qui sont souvent un peu ignorés ou qui peuvent être un peu tabous, comme les règles par exemple. On n'en parle pas beaucoup, mais nos toilettes ne sont pas adaptées. Si par exemple on a une cup et qu'on a envie de la changer, c'est pas à l'ULB qu'on va le faire facilement. Donc c'est des trucs un peu hyper terre à terre, hyper basiques, mais qui changent beaucoup. Et du coup, voilà. Et aussi un truc dont on parle pas beaucoup, c'est la prise en compte des inégalités face aux prises de parole. Donc il y a souvent beaucoup de cours où les professeurs cotent selon la participation au cours, alors que on remarque en fait les mecs ils sont souvent plus à l'aise de prendre la parole en cours. Et du coup on aimerait bien que ce soit un peu remis en question et que ce soit pas quelque chose de pénalisant pour les meufs, et d'essayer d'encourager plutôt la prise de parole d'une autre manière. Voilà. Les étudiantes et les chercheuses ont décidé d'essayer de faire suspendre un autre cours. Et donc, elles se sont dirigées une vingtaine vers le plus grand auditoire à l'ULB, qui était vide. Il n'y avait pas cours, mais du coup, on a été dans un autre auditoire. Et donc, elles ont parlementé avec la prof qui donnait un cours de maths, apparemment. Ça avait l'air d'être plutôt solvé. Et la prof a expliqué qu'elle était totalement solidaire, mais qu'elle avait déjà raté plusieurs cours dus à d'autres grèves. Mais là, qu'elle autorisait les étudiantes à s'en aller, qu'il n'y aurait pas de sanctions. Et puis les femmes du collectif, en grève, ont été discutées avec des gars en leur demandant « Est-ce que vous pouvez prendre note pour nous ?» Et les gars ont dit « Oui, bien sûr. » Et du coup, après... Je pense que j'ai pas vraiment regardé qui se levait, s'il y avait des femmes qui se levaient ou pas, mais déjà le fait de pouvoir sensibiliser, que la prof ait accepté de laisser la parole pendant 5 minutes, c'était déjà assez chouette. Et elles allaient après encore faire une assemblée. Et donc, je pense que c'était une réussite pour elles, même si elles disaient que c'était difficile de convaincre aussi le personnel administratif de l'ULB pour faire grève. Et puis j'ai essayé aussi d'interroger les gardes, les services de sécurité. Et eux, ils ont totalement refusé de me parler en disant qu'ils avaient pour consigne de ne rien dire à personne. Et en parlant de gardiens, en parlant de gardiens, Gwen, non, tu n'es pas gardienne, ça n'est pas ça. Néanmoins, tu as été ce matin à une action devant une prison. Oui. Donc le rendez-vous était devant la prison de Forêt, avenue de la Jonction. Et là, j'ai trouvé une petite bande de 8 à 9 filles qui étaient en train de faire une banderole. Et parce qu'ils voulaient aussi laisser entendre la voix des femmes détenues aujourd'hui. Mais c'est pas seulement la prison de Forêt, donc c'est plutôt Berkendal. Donc après, on est allés ensemble... devant la prison de Berkendal, pour parler avec les gens qui viennent visiter leur famille, leur mère, les femmes détenues là-bas. Et l'idée, c'était, mais bon, ils vont expliquer aussi dans le reportage que j'ai fait là-bas. Voilà, je laisse plutôt parler. Ben, bonjour, on est aujourd'hui le vendredi le 8 mars et il fait presque 11h15. Et on est à l'action aux prisons de Forêt, rue Avenue de la Jonction. Et ici, il y a un petit groupe ici qui veut bien faire une action. Et je veux bien savoir, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Alors en fait, l'objectif, c'est de faire entendre les voix des femmes qu'on n'entend pas. Et donc, en plus d'être un collectif de militants de femmes, on est de militantes, donc. On est aussi un collectif de militants anticarcérales, de militantes anticarcérales. Et donc, l'objectif ici, c'est d'aller à la rencontre des proches de détenus et des détenues elles-mêmes via les proches qui vont en visite vers elles. Et donc, on aimerait simplement se mettre devant les portes de prison et aborder les personnes qui viennent en visite. Et alors, leur demander de mettre un mot, une phrase qu'elles ont envie qu'on porte tout à l'heure à la manifestation. Soit une phrase qui vient d'elles-mêmes, donc femme ou fille ou mère de détenue. Soit une phrase qui vient alors de la femme qu'elles vont aller visiter à Birkendal. Donc ensuite, cette phrase, on la mettra sur notre affiche, sur notre grande banderole, et puis on la portera tout à l'heure à la manifestation. Et est-ce que vous pouvez dire aussi un mot sur le festival anticarcéral qui va avoir lieu bientôt ? Oui, donc en fait, il y a une ZAD, la ZAD de Haren, qui est née pour un peu faire opposition, enfin pour faire opposition à la prison, à la maxi-prison qui voudrait voir le jour là-bas. Et dans ce cadre-là, il y a une forte mobilisation qui dure depuis presque 10 ans maintenant. Et alors, il y a une deuxième édition du Festival anticarcéral qui se fait du 22 mars au 24 mars. Et les jours suivants, des mobilisations encore auront lieu. Et donc, c'est tout un festival où il y aura des conférences, des concerts, des ateliers, des débats, beaucoup, vraiment autour de la question carcérale, avec des anciens détenus, avec des proches de détenus, avec vraiment les gens qui sont concernés pour parler de la question qu'on n'entend pas assez dans les débats, dans les médias. Ok, alors vous allez y aller doucement là, je vois un bon drôle, et voilà, on va aller crier là-bas, c'est ça ? Oui, on va en tout cas aller essayer de faire entendre ses voix. Oui, d'accord. Merci. Voilà, bonjour. Tu es ici devant la prison de Birkendal, le vendredi 8 mars. Pourquoi tu es ici ? Je suis ici parce que je soutiens le mouvement des femmes. C'est la journée de la femme aujourd'hui. Enfin, c'est tous les jours, mais aujourd'hui principalement. Il me devait d'être présente avec notre petit groupe. Et nous venons rencontrer des gens qui viennent visiter toutes ces femmes qui sont derrière ces grands murs froids, et nous venons de rencontrer des visiteurs à l'occasion. On a fait passer le message, ils étaient tout contents, on a une approche, ils étaient vraiment super contents qu'on leur parle, ils n'avaient vraiment peur de rien, et ils nous ont dit on va tout de suite téléphoner à notre famille qui est là et notre parent qui se retrouve là derrière ces murs. Et comme ça, elles seront au courant. Voilà. Nous espérons qu'elles auront rapidement le message, car c'est très important qu'elles sachent qu'on les soutienne, étant donné que pour la plupart des femmes qui se retrouvent là derrière ces murs, je pense que nous savons très bien que beaucoup n'ont pas de famille, beaucoup sont isolées, ne sont pas là pour de bonnes raisons, payent pour le prix de leur vie, pour des choses qu'elles n'ont pas commises non plus. Donc voilà, pour tout ça, nous sommes là et nous nous en réjouissons. Et voilà, vive la femme ! Merci. 2, 3. Parce que le projet de la maxi-prison de Haren incarne les travers de cette société, menée à leur paroxysme, nous concerne et nous révolte. Parce que l'enjeu écologique, la défense du bien commun et de la démocratie, la justice fiscale et la remise en question du système carcéral sont autant de motifs qui nous rassemblent autour de cette lutte. Parce que cela fait près de 10 ans que des actions en tout genre se succèdent et qu'il reste encore de nombreuses cordes à nos arcs, nous vous appelons à venir marcher en masse contre la maxi-prison de Haren et son monde. Rendez-vous ce samedi 23 mars à 11h à la gare de Schkarbek. Marchons contre la maxi-prison de Haren et son monde dont nous ne voulons pas. est 14h. À 14h, un appel est lancé. L'appel est que, chères auditrices, si tu nous entends, chères auditrices, si vous nous entendez, eh bien, faire du bruit, peu importe où tu te situes, dans les transports, à ton bureau si tu n'as pas pu faire grève, ou peu importe où. Et nous aussi, on fait du bruit, ici, dans la radio. Pour ce studio volant et féministe à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et de la première grève des femmes ici en Belgique. Et donc si on a fait du bruit là à 14h, c'était dans la plus grande tradition des mouvements aussi de, populaires, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, de récupérer l'espace public et de montrer qu'on est là en faisant un maximum de bruit. Nous ici, on a fait avec, en tapant sur les verres et les tasses, mais les casseroles, ça fonctionne bien aussi, et, enfin tout ce que vous voulez. Donc on espère que partout en Belgique, là, il y a eu du bruit à quelques endroits au moins. Et on avait écoutement Anna Tijou qui est argentine, c'est ça? Je ne sais pas d'où elle vient, Anna Tijou, mais c'est une grande chanson en tout cas que toutes les Argentines connaissent. Et voilà, on poursuit avec quoi du coup? Avec Julia. Oui, je fais un enregistrement de la micro ouverte à la gare centrale. Puis ce morceau, c'est un poème ou une lettre à les hommes qui veulent être féministes. Ou c'est un peu. Comment faire ou comment être féministe quand vous êtes homme. Alors, écoute. Alors, ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et ce sera pour toi, monsieur, une occasion de plus de te revendiquer féministe. Petit rappel des faits. Envoyer une photo de tes parties intimes sans que la fille te l'ait demandé, ce n'est pas féministe. Refuser le préservatif et ne pas assumer la paternité, ce n'est pas féministe. Traiter ta maîtresse de sale pute lorsque ta femme découvre le poteau rose, ce n'est pas féministe. Entrer dans le lit d'une de tes amies sous prétexte qu'elle a bu et qu'elle est disponible, ce n'est pas féministe. Faire une crise de jalousie quand ta femme s'apprête à voir un ami en lui disant que si tu agis ainsi, c'est parce que tu l'aimes et qu'elle devrait être contente, ce n'est pas féministe. Dire à ta collègue que si elle avait les cheveux longs, elle ne serait plus célibataire, ce n'est pas féministe. Nous, les femmes, n'avons pas besoin d'hommes qui se disent féministes, mais d'hommes qui, au quotidien, se questionnent et agissent pour l'égalité femmes-hommes. Il y a une équipe avec une chansonnière pour le 8 mars, avec beaucoup de chansons. Alors, tout le monde a chanté ensemble. Il y avait une équipe de musiciens, une petite band aussi. Et oui, c'était tellement, tellement beau de voir tous les mondes chanter ensemble. Oui, c'était incroyable. Alors, on va écouter ça. Il n'y en a pas beaucoup. Dernière page. Ben, sardine, dernière page. Il faut se partager, on n'a pas beaucoup. Écoutez nos sabots, écoutez nos colères, écoutez nos sabots, on en a marre, on se met en grève. Écoutez nos sabots, écoutez nos colères, écoutez nos sabots, on en a marre, on se met en grève. D'une ville à l'autre. Écoutez nos sabots, écoutez nos colères, écoutez nos sabots, on a marre, on se met en grève. Tous les deux, trois jours, un homme tue une femme, les guerriers complices atténuent le drame. Tous les deux, trois jours, un homme tue une femme, les guerriers complices atténuent le drame. Écoutez nos sabots, écoutez nos colères, écoutez nos sabots, on a marre, on se met en grève. L'administration est un vrai calvaire pour les personnes trans et les non-binaires. L'administration est un vrai calvaire pour les personnes trans et les non-binaires. Écoutez-nous nos sabots, écoutez-nous nos colères, écoutez-nous nos sabots. On en a marre, on se met en grève. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot. Le plus vieux métier, mais sans droits sociaux. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot. Le plus vieux métier, mais sans droits sociaux. Écoutez-nous nos sabots, écoutez-nous nos colères, écoutez-nous nos sabots. On en a marre, on se met en grève. La maternité censée nous combler. Si je veux pas d'enfant, pas besoin de justifier. Écoutez-nous nos sabots, écoutez-nous nos colères, écoutez-nous nos sabots. On en a marre, on se met en grève. À plusieurs milliers, on s'en prend levé. Avec nos sabots, usons les pavés. À plusieurs milliers, on s'en prend levé. Avec nos sabots, usons les pavés. Écoutez-nous nos sabots, écoutez-nous nos colères, écoutez-nous nos sabots, on en a marre, on se met en grève. Écoutez nos revendications, on prend la rue pour donner le ton. Écoutez nos revendications, ce sera la dernière sommation. Yeah. Ben voilà, je suis allée tantôt aussi à Carrefour l'Europe et là j'ai rencontré des femmes qui font plutôt une action sensibilisation pour les femmes qui travaillent au transport en commun. Parce que là, c'est assez masculine et donc apparemment les conditions de femmes ne sont pas vraiment top du tout. Et voilà, ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'ils enchaînent à faire après. Ben, bonjour. On est ici sur la place Carrefour d'Europe, où il y a toute la programmation de collectif de 8 mars avec plein de stands et avec la musique maintenant très fort derrière. Mais je suis en rencontre ici avec des femmes qui vont faire une action sensibilisation. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors nous, on travaille dans le domaine des transports et en fait, on voudrait sensibiliser nos collègues féminines à la cause des femmes et du 8 mars en général. Donc c'est assez large et le but, c'est qu'on se mette en contact tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va consacrer le gros de notre journée à ça. Vous avez encore quelque chose à dire en plus ? C'est ça ? Vous allez maintenant passer dans le métro, la gare, distribuer des flyers ? On va essayer de distribuer le plus de flyers possible, surtout en ce jour. Et on espère pouvoir faire du bruit et faire entendre d'autres femmes pour nous soutenir, parce qu'on se bat tous pour la même cause. Et aujourd'hui, il n'y a pas de grève dans le transport commun de femmes, mais peut-être vous voulez bien que l'année prochaine, ça aura lieu ? C'est ça le but de sensibiliser d'aujourd'hui ? Ben, on aimerait bien parce qu'on fait toujours grève pour d'autres raisons et on les soutient et on aimerait bien que d'autres personnes nous soutiennent aussi pour sensibiliser les femmes car c'est assez compliqué. Maintenant, c'est nous qui avons choisi aussi de faire ce métier, mais c'est important aussi de savoir qu'on est soutenu par les employeurs, par les gens qui prennent les transports, c'est hyper important. Car on ne doit pas oublier qu'on est sensible. D'accord, merci. Allez, bonne chance avec votre action. Merci. Voilà. I'm a rock and roll nun, so definitely not. You know, well, not a slut. I think everyone likes to implode from the inside and then to make everyone have a bit of a lull, stop taking themselves so seriously. All right. And then, world domination by like making everyone play some rock and roll and just realize like we came down the earth plane, have a really good time, and it life's a massive party. I'm Voilà, d'accord, on est de retour sur Féministe, sur Radio Panique. C'est l'après-midi et il fait beau et on est au Dolmol. Et Julia a repris, en fait, elle a pris plein de sons ce matin. Et notamment donc sur la scène, si j'ai bien compris, lors du micro ouvert, il y avait quelque chose sur les mers, mais pas n'importe lesquelles. Oui, oui, c'était une micro ouverte, alors... tout le monde était bienvenu de dire leur histoire ou leur propre lutte ou pourquoi ils font une grève aujourd'hui. Alors, oui, c'est un autre morceau de cette micro ouverte. De... Bonjour, madame. Je n'étais pas préparée pour dire quelque chose, mais dès que je vois les femmes, je suis très contente et je crois qu'elles vivent les mêmes situations que moi. Je suis une femme seule qui élève tous ses enfants. Est-ce qu'une femme peut faire un enfant tout seul? Non. Comment se fait-il donc qu'on abandonne et les hommes abandonnent les enfants aux femmes et personne ne dit rien? Comment vous croyez que ces enfants pourront s'en sortir dans la société? Quand une femme seule doit payer les voyages scolaires, quand une femme seule doit payer la cantine, quand une femme seule doit faire tout ce qu'on pouvait faire à deux, et c'est-à-dire un homme et une femme qui ont fait un enfant qui n'a pas demandé venir au monde. Et personne, ni le gouvernement, ni les hommes, ne prend pas à ces enfants. Comment ils doivent s'en sortir dans cette société? C'est ce que je voulais savoir. Oui, donc on est toujours au Dolmol pour ce studio volant en direct et on écoute quelques capsules. Et ce matin, au Carrefour de l'Europe, il y avait aussi différentes assemblées, lieux de discussion. Et Lydia, je pense que tu as assisté à l'un d'entre eux. Enfin, l'une d'entre elles, pardon. Ouais, je me baladais comme ça. Je me baladais comme ça et puis je vois une tente avec un stand anti-racisme et puis c'était écrit en non-mixité choisie. Au début, je vois ça, je me dis oui, ben c'est peut-être que des femmes et puis voilà, les hommes ne sont pas autorisés à venir dans cet espace à ce moment-là. Et puis hop, à côté, il y a marqué femmes racisées uniquement. Et du coup, je me dis oh ben très bien, j'y vais parce que je peux, voilà, parce que c'est mon cas. Et du coup, je me suis dit mais c'est quoi en fait ça? Parce que j'avais jamais assisté à ce type pas d'atelier, mais de discussion en fait dans cette non-mixité-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, vraiment, ça m'a énormément touchée. Et, parce qu'en fait, ce qui paraît parfois une évidence pour moi, là je parle en mon nom, et quand j'en parle avec des personnes, il faut toujours expliquer un petit peu, mais tu vois, je ressens ça parce que nanana. Et là en fait c'était d'une fluidité, il y avait quelque chose où voilà, je comprenais absolument tout ce qui se passait, ce qui se vivait et ce qui était difficile à entendre, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et du coup je leur ai demandé de me faire un petit résumé en fait de l'atelier parce que d'abord ça m'intéressait et je pense que ça intéresse plus largement que moi-même et puis aussi le ressenti d'une des participantes voilà qui comme moi aussi participait à ça en tant que novice. Donc moi je m'appelle Assina et donc j'ai co-animé l'atelier antiracisme avec Aïda. En fait, on est toutes les deux membres du collectif 8 Mars. Donc on s'est investi depuis le début. On a décidé que cet atelier serait en non-mixité choisie. Et donc la raison pour laquelle on a décidé ça, c'est parce qu'on se rend compte que quand on parle de ces questions-là dans des ateliers, dans des espaces qui sont mixtes, il y a régulièrement des interpellations à expliquer des choses qui sont compliquées pour nous, des remises en question par rapport à des choses qui sont compliquées pour nous. Et du coup, ici, c'était une manière de pouvoir parler de ces choses-là, mais de se sentir safe et de ne pas se sentir remise en question par rapport à des expériences qui sont vraiment des expériences de souffrance et d'agression. Et donc, on a commencé l'atelier en se présentant. Et donc, on a donné nos prénoms, mais on a aussi raconté une histoire autour de nos prénoms. Donc, c'était une manière aussi d'apporter un peu de bienveillance et aussi peut-être pouvoir revaloriser des racines ou parfois revaloriser une expérience qui a été négative autour d'un prénom et de pouvoir te le réapproprier. Donc, ça, c'était assez chouette. Du coup, ça a créé un petit climat de confiance. Et alors ensuite, on a énoncé chacune un moment qui a été compliqué dans notre vie ou autour de la question de nos origines, de notre race, de notre religion, on a été remise en question, voire agressée. Et donc ça, c'était quand même assez dur à entendre. Moi, j'ai ressenti à un moment donné des émotions difficiles quand j'entendais certaines qui disaient on me demandait d'attacher mes cheveux. Donc parce que ça les gênait qu'une fille avec des cheveux frisés, que les cheveux de la fille pouvaient toucher une personne. Et donc, pour pouvoir dire bonjour à la personne, il fallait qu'elle attache ses cheveux. Et ce qui était difficile pour moi à entendre, c'est qu'elle s'est soumise à ça. Et qu'elle disait, c'était dur pour moi. Finalement, je l'ai fait, mais c'était dur pour moi. Donc voilà, et donc on a partagé pas mal de choses comme ça. La remise en question la place que tu occupes quand tu es diplômée. Donc quand tu es diplômé, il y a une certaine remise en question, tu n'es pas à ta place, c'est des choses qu'on entend régulièrement. On a aussi partagé sur, des agressions qui se font et où la personne ne se rend pas compte qu'elle t'agresse. Et quand tu l'interpelles par rapport à ça, la personne s'emporte et elle va te dire que tu te victimises et que c'est pas normal. Et du coup, il y a vraiment une charge mentale en plus quand tu es femme racisée, parce que tu dois systématiquement expliquer ce qui t'arrive, mais tu dois l'expliquer de la manière la plus polie possible, la moins énervée possible. Tu sais qu'on risque de te dire que tu fais du communautarisme, tu sais qu'on risque de te dire que tu es hystérique parce que tu es une femme. Si tu es une femme noire, tu sais que tu auras le stéréotype de la femme noire agressive. Et du coup, on navigue, dans des espaces où il y a plein de stéréotypes qui nous dépassent et où on est toujours ramené à signer à ces positions-là de subalterne, de sauvage, de plein de choses comme ça. Donc voilà, on a un petit peu partagé là-dessus et puis on est arrivé aussi, et je trouvais que c'était vraiment un moment intéressant dans l'atelier, à se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc on ne voulait pas juste être dans la plainte, même si la plainte elle est nécessaire, donc on doit pouvoir faire un genre de diagnostic, de se dire on vit ça. Ce qui était aussi intéressant, il y avait une jeune fille qui était de confession juive et qui se disait moi j'avais du mal et je me demandais ma légitimité à venir dans ce type d'atelier. Et donc on voit qu'on n'est pas si... on est tellement remise en question dans tout plein de choses qu'on se dit est-ce que c'est si grave que ça, ou tiens, est-ce que je suis réellement concernée, alors que les éléments qu'elle a donnés, c'était du racisme antisémite, mais supra-violent, en fait c'est vraiment super violent, mais elle est tellement habituée à ça qu'elle n'est plus capable de porter un regard, objectif. Tiens, est-ce que c'est acceptable ou pas ? Et ça, je pense que c'était un peu vrai pour tout le monde. Donc on a vraiment des temps de sidération. La violence raciste, elle est tellement forte, elle est tellement partout, elle est tellement, intégrée tant par les gens qui l'actent que par les gens qui la subissent, que finalement, les pistes sont brouillées, les repères sont brouillés. Et donc, dans la dernière partie de l'atelier, on a décidé de dénoncer des petites astuces pour se sentir mieux et pour pouvoir réagir d'une manière qui nous fait du bien. Et donc ça peut être des stratégies de renvoyer à l'autre la responsabilité quand on nous pose des questions intrusives, de renvoyer à l'autre la même question, t'es de quelle origine et toi. Donc ça c'était des astuces que je retiendrai, et je pense que ça fait pas mal de bien à tout le monde, parce que du coup on se sent comprise, entendue, et je pense qu'on est parti avec un petit peu plus de force, un peu plus d'outils. Et on a décidé de constituer un petit groupe, donc ça c'est génial, on a un petit peu échangé toutes les adresses et on va probablement programmer des ateliers de self-care autour des questions, de racisme pour les femmes racisées, probablement en non-mixité choisie également, et on vous tiendra au courant. Voilà. De savoir un petit peu, donc c'était l'atelier anti-racisme. Juste nous dire ce que c'était cet atelier en deux petits mots. Mais c'est un atelier qui était exclusivement réservé aux femmes racisées. Et donc on a pu partager ensemble toutes les problématiques liées aux femmes, racisées dans ça n'ira pas dans la société. Oui, si, oui, dans la société. Ça, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que toi ça t'a apporté ? Mais ça m'a apporté un sentiment de, enfin voilà, que on a comment dire, une sororité, etc., importante, de pouvoir échanger sur nos difficultés communes et de mettre, comment dire, de se mobiliser pour essayer de trouver des solutions à toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien, les microagressions racistes, les difficultés, par exemple, si on est en couple mixte, les difficultés au niveau du travail, parce qu'on a vraiment des difficultés spécifiques. Et toutes de notre côté, on était là sans savoir trop quoi faire et on vivait beaucoup d'émotions. Et des ateliers comme cela, ça permet vraiment de pouvoir en discuter tout ensemble et trouver des pistes de solutions et créer des dynamiques qui font que on va progresser. C'est aussi parce qu'on a des enfants et on veut leur transmettre les armes, les outils pour évoluer dans une société exclusivement blanche, quoi. Voilà. Merci. Ben voilà, donc c'était la capsule d'un des ateliers. Mais Lydia, tu as encore fait autre chose? Tu as encore rencontré quelqu'un d'autre? Tout à fait. Ce matin, j'ai rencontré une très chouette femme qui a écrit un texte. Et donc, elle s'appelle Lily, elle est rome, et j'en dis pas plus, elle le dit beaucoup mieux que moi. Pensée des femmes roms intègres qui a fait semblant s'intégrer. La force obscure du machisme a déventé autant de jours que cette civilisation avec l'esprit empoisonné par des notions de suprématie. L'homme supérieur à la femme, le riche supérieur au pauvre, le blanc supérieur au noir, l'hétéro supérieur à l'homo, et tout ce beau monde supérieur aux Roms. Les Roms, poussés vers l'inculture par la pression de l'intégration et éloignés de leur structure ancestrale par la modernité, adoptent le machisme ambiant et l'adaptent à leur contexte. Considérés par tous comme les derniers des humains, les hommes Roms vident tous les jours le calice rempli de poison que la société leur offre. Et puis, déversent sur leurs femmes la violence d'une civilisation de plus en plus toxique. Une civilisation schizophrène qui réalise de plus en plus que les sentiments de supériorité ne la sauveront pas du retour de sa méchanceté vorace et de sa bêtise. Mais pour l'instant, et depuis maintes instants, c'est la femme rome qui reçoit et porte sur ses épaules la violence de tout un monde qui trouve ainsi une soupape à sa propre violence. C'est comme dans un entonnoir que s'achemine vers elle cette violence dont seuls ceux qui la méprisent sont responsables. Ainsi vont les choses pour les femmes roms dans la civilisation où chacun se contente de ne pas être soi-même à la dernière place. Si un romier quitte sa place que la société lui accorde, elle suscite l'inquiétude de tous les adeptes de la suprématie, en commençant par ceux qui se situent juste au-dessus d'elle et qui souvent sont les hommes qui l'entourent. Elle est une vraie menace à l'ordre social d'une civilisation empoisonnée par la suprématie. Fin de texte, signé au nom des femmes roms en lutte, Lee. Madame Lee. Thank you. Ben voilà, on est toujours dans le studio volant d'Olomol, collaboration de Radio Panique et Radio Air Libre pour la couverture radio de 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes. Et après tous les prises de son, capsules de plein de femmes intéressantes et qu'on a rencontrées aujourd'hui et des actions, on a en finale quand même une personne en studio ici qui fait partie du comité de femmes sans papiers. Bonjour. Et tantôt, tu as parlé, tu as déjà pris la parole sur le podium au carrefour de l'Europe, là. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a moyen de répéter ce que vous avez dit là-bas? Est-ce que vous avez préparé un texte que vous avez emmené maintenant? Oui, en bref, je peux dire, nous avons préparé des textes avec les comités, toutes les femmes des comités des femmes. On a essayé un peu de parler sur nos difficultés et ce que nous rencontrons, ce que nous vivons dans nos vies quotidiennes et puis comment nous vivons aussi avec les enfants. Et parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la grève des femmes. Mais pour les femmes sans papier, le travail, c'est déjà pas évident. Et donc, c'est même pas évident de faire une grève. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu des conditions quand vous travaillez? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez à atteindre vos droits? Ou est-ce que... comment ça se passe pour vous? En tout cas, pour le travail, c'est difficile. C'est difficile, parfois on n'est pas bien rémunéré. Et si vous trouvez, il y a des fois on n'arrive pas aussi à trouver. Et si vous trouvez un travail quelque part, et vous travaillez, vous commencez à travailler, et du coup comme ça, si là où vous travaillez, la personne n'est pas d'accord, il vient peut-être le lendemain, on vous dit comme ça, voilà, vous ne pouvez plus continuer, vous arrêtez. Donc on arrête comme ça, sans même vous prévenir. Voilà, il y a des fois aussi pour vous payer l'argent que vous avez travaillé, c'est difficile. Parfois, on ne vous paye même pas. Et sur ça, nous, en tant que femmes sans papier, on a aussi peur parce qu'on sait que si on essaie de dénoncer la personne, et ça tourne toujours contre nous du fait qu'on n'a pas les papiers. Voilà, donc c'est vraiment des difficultés qu'on a au niveau du travail. Oui, parce que vous ne pouvez pas dénoncer, parce qu'alors vous risquez d'être arrêté. et d'être mis dans le centre fermé, d'être arrêté, voilà, d'être enfermé, ouais. C'est ça. Et c'est que ça. Le type de travail, c'est plutôt à domicile, c'est ça? C'est beaucoup de travail, garderie d'enfants, nettoyage? Oui, c'est plus à domicile, nettoyage. C'est ouais. Plus à domicile, ouais. Garder les enfants, faire les ménages, ou garder quoi, les vieillards, oui, c'est ce qu'on fait souvent. Il est arrivé une année, j'ai plus l'année en tête, à Paris, où les sans-papiers se sont mis en grève. Et ça a été le bazar, parce que plus rien fonctionnait. Les restos, les trucs à domicile, tout ça en fait, c'était tout bloqué. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le travail en fait, des sans-papiers était hyper important. Parce qu'en fait, il y a du travail qui est fait. Par contre, les conditions que tu es en train d'énoncer sont juste dégueulasses derrière. Et donc, compliqué. Est-ce que tu imagines que les femmes sans papier puissent faire une grève? Et qu'est-ce que ça donnerait, tu vois? Mais oui, on peut le faire, pourquoi pas? Parce que c'est nous qui faisons plus ce travail-là. Parce que pour moi, je comprends que les gens veulent toujours chercher les sans-papiers parce que là-bas, il n'y a pas des lois pour les sans-papiers et les gens payent comme ils veulent, tu vois, même si ça ne va pas, vous n'allez pas porter plainte et c'est plus pour leur intérêt, ce n'est pas pour notre intérêt. Donc voilà, c'est difficile. Mais moi, je me souviens parce qu'on a fait un atelier le vendredi passé avec le comité de femmes sans-papiers où il y a eu... Magali, tu vois, de Mock qui nous parlait un peu, mais elle a dit quand même qu'en France, il y a d'autres lois et que là, les syndicats peuvent protéger aussi les personnes sans papier et donc ils ne risquent pas d'être expulsés. Pour l'instant, faire la grève ici en Belgique, il y a d'autres conditions qui font que... Voilà. Mais je vois la réaction. Vous voulez intervenir? Non? Mais pour l'instant, c'est, voilà, mais il y a quand même un groupe d'action travail domestique avec des femmes sans papier qui se rassemblent. Et donc, ils vont se rassembler aussi aujourd'hui à 17h. Donc, ils viennent aussi à la manif. Et donc, c'est pour les travailleuses aussi de travail domestique sans papier. Et donc, il y a quand même un certain regroupement, un lutte qui est en train de faire. Et il y a quand même un syndicat qui est derrière, qui veut le soutenir pour que ça améliore, qu'ils puissent quand même atteindre leurs droits un jour. Oui. Moi, je pense que c'est bien. L'idée, quand même, est bonne. Mais s'il faut peut-être faire, comment dirais-je, s'il peut y avoir quand même un règlement ou des conditions comme ça pour les gens qui engagent les sans-papiers aussi. Vous voyez? Ou soit, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quand on part là-bas pour travailler, qu'on peut montrer à la personne, et voilà, toi, tu veux que je travaille pour toi, voilà les conditions et tout et tout. Moi, je pense que ça sera quand même bien. Donc, les sans-papiers seront quand même un peu respectés, protégés aussi. Donc, comme le revenu minimum, les revenus, comment il faut nous traiter, donc, tout ça, quelques conditions, quoi. Ouais. Ou que simplement il y a le même droit du travail que pour n'importe qui d'autre. Il y a les mêmes droits, oui, il y a les mêmes droits aussi, les mêmes protections. C'est pas le cas, voilà, mais que ce soit. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Ce n'est pas le cas pour nous, ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils peuvent, soi-disant, tu vas dénoncer les travailleurs qui les traitent mal, mais le problème c'est que, parce que selon la loi, ça existe, même si tu fais travail en noir. L'employé peut être puni parce que s'il ne te paye pas ou s'il te fait quelque chose qui n'est pas mis dans la fonction. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ils risquent d'être expulsés. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Ok, mais vous êtes aussi avec un stand de comité de femmes sur la place. Ouais. Comment ça se passe là-bas et qu'est-ce que vous faites? Oui, là-bas nous avons un stand. Oui, là, on voit des sacs. Des sacs cousus par les femmes sans papier. C'est un tissu pagne africain et puis dans d'autres tissus aussi, avec beaucoup de motifs. Mais c'est bien. C'est pour toujours contribuer pour les femmes sans papier. Et le comité de femmes, vous rencontrez souvent? Comment ça se passe? Vous avez des... Bon, normalement, chaque mercredi et vendredi, nous nous réunissions à Mine Bruxelles, ici à Opemstraat 54. Donc on est là chaque mercredi et vendredi de 10h à 16h. 10h30 apparemment. À 16h30. À 16h. 16h30. De 10h à 16h30, ouais. Et là, vous faites quoi pendant... Oui, on est là, on travaille, hein, on fait beaucoup de choses, des sacs, on peut faire des pochettes pour des portables, voilà. Il y a aussi c'est un atelier de couture, c'est ça? Oui, c'est un atelier de couture. Donc, on fait de tout, ouais. Et à part de ça, vous faites encore d'autres actions un peu... politique la cuisine, on fait la cuisine, la cuisine oui aussi, ouais. Il y a des gens aussi qui nous invitent pour cuisiner pour eux, ça aussi ça nous permet d'avoir un peu, de gagner quand même quelques sous, ouais. Mais souvent vous êtes aussi demandé pour prendre la parole dans des événements un peu plus politiques, oui. Je me souviens pour oui. les enfants qui étaient enfermés dans le centre fermé, oui. Tu as aussi pris la parole, oui j'avais pris aussi la parole, ouais. Oui, on donc, est souvent invité aussi pour ça, ouais. Donc, bah c'est bien que vous pouvez porter votre voix, hein, et il faut faire plus. Merci. Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses que tu voudrais rajouter ici, en parler. Bon, tout ce que je voulais dire, c'est que les femmes sans papier vraiment souffrent beaucoup. Vu qu'on a des enfants qu'il faut à l'école, c'est vraiment difficile. Et les enfants ne comprennent rien. Les enfants veulent être comme tous les autres aussi. Parfois, on pose beaucoup de questions et on est là, on ne sait même pas comment répondre. Donc, c'est vraiment difficile. On a vraiment beaucoup besoin d'aide. Ouais. Et d'aide comme quoi? Est-ce qu'il y a une aide concrète que vous voulez? Au niveau des logements, on a des difficultés au niveau des logements, et comme du travail aussi, comme on vient de dire tout à l'heure, là, voilà. Parce que si on a même un travail là, on gagne même quelque chose, on peut quand même parvenir quand même à satisfaire les enfants, à répondre aux besoins de nos enfants. Mais je me souviens aussi qu'il y a toutes les années quand même aussi une action pour récolter de matériel pour l'école, pour même pour les oui, ça, d'argent pour faire acheter des livres et tout ça. Ouais. Oui, nous sommes aidés aussi par Pigment, c'est Pigment qui fait ça. Oui, chaque année, ils récoltent des objets scolaires, voilà, pour distribuer aux enfants. Ouais. Et il y a aussi la distribution de colis alimentaires aussi, chaque lundi à Pigment. Ouais. Et tout ça, on peut trouver sur... ils ont un site web, ils ont quelque chose, ils ont... ouais, je pense à ces voyages, c'est VO. Là, il faut voir voyage. Y-A-A-C-H, donc voyage, c'est la maison qui récolte 3 ASBL, si j'ai bien compris, d'où Pigment Meeting et encore un autre groupe, j'ai oublié le nom. Pigment Meeting. Et donc, voilà. Si vous allez sur ce site, je pense qu'il y a aussi ça mentionné pour donner des dons, pour donner le matériel scolaire. Mais ouais. Mais vous avez aussi un peu mis maintenant sur la place une boîte, une caisse pour donner un soutien? Oui, il y a une caisse là. Oui, ça va. Donc ça va. Voilà. Donc tout le monde qui nous entend et qui veut soutenir le comité de femmes, voilà, il y a des caisses prises. Voilà, soutien. Soutien, oui. Cherchez la stand, comité de femmes sans papier. Oui, c'est écrit aussi comité des femmes sans papier, oui. Ok, bah merci pour venir jusqu'ici en studio. Et... voilà, si... On peut écouter un morceau de musique, voilà. Selenu ya la ma ya ngatupe ga coup, là, maintenant, il y avait aussi la lecture de quelques revendications qui sont celles du collectif Oui Mars. Donc, et elles l'ont lu, je pense, Carrefour de l'Europe. Et on se proposait de le lire là aussi. Voilà. Donc, ça dit ça. Tout en grève, si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Depuis 2017, des grèves de femmes ont lieu dans différents pays du monde pour mettre fin à notre oppression et aux injustices que nous subissons. Téléphone coupé, tablier plié, balai déposé, caddie abandonné, hôpitaux désertés. Pour une heure ou pour toute la journée, nous décidons d'arrêter de travailler, d'étudier, de consommer, de prendre soin et de répondre aux attentes et aux envies des autres. Nous nous accordons du souffle et nous nous rejoignons virtuellement ou physiquement pour occuper les réseaux sociaux, les rues, les avenues et les places, car nous en avons assez. Temps partiel, métier dévalorisé, système d'allocation inadapté aux besoins, inégalité salariale, retraite tardive, pension de misère, assez de la précarité économique organisée sur notre dos. Manque de crèches, de homes et d'infrastructures d'accueil et de soins accessibles, partage inégalitaire des tâches domestiques, assez d'assumer seul et gratuitement ou presque les soins aux autres et la charge mentale qui va avec, sans nous laisser le temps de vivre. Politique migratoire qui nous enferme, nous condamne à la pauvreté et nous tue. Discrimination et violence sur base de notre couleur de peau, notre origine, nos croyances. Assez du racisme d'État et du racisme banalisé dans nos lieux de vie. Stéréotypes sexistes qui nous cantonnent dans des rôles spécifiques et secondaires. Normes sociales imposées sur nos façons de construire nos identités et de vivre nos sexualités, nos rapports à la maternité, à la contraception, à l'avortement, assez qu'on se mêle de nos corps, de nos sexualités, de nos vies. Banalisation et impunité des violences médicales, gynécologiques, physiques, psychologiques et sexuelles, des violences dans le couple, du harcèlement de rue ou au travail, des féminicides, meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes, assez des violences machistes et institutionnelles que nous vivons partout, à tous les âges, sous toutes les formes. Ensemble, nous voulons faire du 8 mars 2019 une journée intense de lutte et de libération. Différentes actions ont lieu, ont eu lieu, auront encore lieu à différents endroits du pays. Participez au mouvement comme bon vous semble. Et rejoignez-nous encore, si vous est possible, Carrefour de l'Europe. Si, t'agenda du reste de la journée, il nous reste encore quelques minutes. Oui. Là, maintenant, il est quelle heure ? Il est presque 15h. Voilà, et donc il y a toujours plein d'activités Carrefour de l'Europe, je pense. Des concerts, il y a notamment, je vois, un concert de Constanza Guzman et DJ Bless the Ladies. Et puis à 16h, il y a une petite animation, enfin petite, elle n'est pas petite, ça serait une belle animation qui s'appelle Les Porteuses de Parole. Et qui est organisée plutôt par la Marche mondiale des femmes, donc, dont on n'a pas parlé là maintenant, mais dont on peut dire quelques mots. C'est depuis 2000, des groupes de femmes un peu partout dans le monde qui organisent la Marche mondiale, et donc qui chaque année organisent des activités. Et ce sont elles qui organisent la manifestation de tout à l'heure. Et donc à partir de 16h... elles organisent diverses choses aussi au Carrefour de l'Europe. Et puis, on a parlé des femmes iraniennes ? On a pas encore. Pas encore, on va en parler. Donc, elles manifestaient aussi elles marchaient, les femmes iraniennes, aujourd'hui. Depuis 3 jours, en fait, elles marchaient, elles sont parties d'Hambourg, je pense. Enfin, et du coup, c'est à l'occasion des 40 ans du régime c'est ça. Et donc pour montrer que depuis 40 ans elles se mobilisent, elles luttent et elles sont et qu'elles continueront encore. Ben très bien, voilà. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 19h au Dolmol. Encore, donc rejoignez-nous si vous avez envie de prendre la parole, de dire des trucs, on est là, les micros sont ouverts, donc n'hésitez pas à lire un texte, pousser un coup de gueule, pousser un coup de joie, ce que vous voulez, en fait, nous raconter votre journée, ton petit déjeuner, ce que tu veux. Et puis on sera aussi sur les ondes donc de Radio Air Libre, toujours à la même heure. Il y aura d'autres choses, non, aussi au courant de la journée ou pas, Gwen, sur Radio Air Libre ? Oui, mais c'est un peu la même chose. Hein. Donc à Radio Panique et à Radio Air Libre à 17h30, et on fait la rediffusion de. Oui, PGB de. Women Macho Macho Women Macho Women. Et voilà, donc ça c'est jusqu'à 19h. Et entre-temps, nous on va assister aussi à la manif, je suppose. Et j'ai aussi lu un peu sur le blog là, de Collectif 8 Mars qu'il y a quand même pas mal de délégations qui viennent aussi d'autres villes de Belgique qui sont en train de se diriger vers Bruxelles pour rejoindre aussi la manifestation. Je pense qu'il y a des gens de Leuven, Namur, je ne sais pas si... Et rejoignez-nous pour qu'on bloque la petite ceinture et qu'on fasse ça. Ah, donc ça c'est 17h et c'est... Chambard. 17h30, c'est le départ. Ouais. Mais 17h, c'est le départ est où encore ? Carrefour de l'Europe. Voilà, tout simplement, là. Oui, mais ça va arriver vers Place Luxembourg à 18h30. Et là, il y a de nouveau un podium et il y a des prises de parole et aussi d'un concert féministe. Je pense jusqu'à 19h. Et après ça, tout le monde se dirige. Pas tout le monde, il y a encore d'autres initiatives, je pense, parce qu'il y a plusieurs initiatives encore ce soir. Mais de Collectif 8 Mars, je pense qu'ils vont se diriger vers Piano Fabrique, où il y a aussi la délégation avec des femmes iraniennes qui seront là aussi. Voilà, je pense que ça, c'est un peu la fin de la journée de 8 mars. Ouais, en parallèle, ce soir aussi, il y a un festival queer. On pourra en redire quelque chose ce soir, avec une projection de film. Voilà, aussi. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aussi dans Bruxelles. En dehors du piano fabrique, donc c'est chouette. Et donc voilà, nous on se retrouve tout à l'heure à 19h. Venez boire un verre avec nous. Oui, au Dolmol, rue des Éperonniers. Ouais. Avant d'aller en revenant de la masse. Exactement. Oui, ouais. C'est vrai, c'est tout près de la gare centrale, donc c'est rue Éperonniers. 52 000 Bruxelles, mais vraiment cette toute petite ruelle qui va entre la place devant la gare centrale vers la place Saint-Jean. Voilà, donc merci. Et ben merci à vous toutes.